PLX. I like this one. Fuck un steak de Kobe, j'suis un shoot de Kobe. Un couplet de Doughboy, oh really. J'pète un plomb, c'est Arnold dans Wheeling. T'es zéro, j'fais le bye zéro, feeling. Bande de rigolo, geek de mort, enfile ton kimono. J'suis bon même si j'ai picolé, ils en sont verts genre piccolo. Posé autour de moi, rien que ça pilonne, ça baise les babylones. Comme à l'époque où j'tenais les pylônes. Presque en marge, rien à foutre d'être mis au pilori. L'été plus glacial, l'hiver, j'enfile un pull au vert, zigzag entre les lignes. Do not lean, ok, j'ai failli perdre la boule genre Bilbo, ok. Mais j'suis encore debout, et j'suis ok. Ok mec, j'ai pété ma canette genre le bulule. J'ai pété ma tête genre deux pilules. Ces merdes sont dans les rues genre ça pullule. Putain de merde, Big G est chaud sa mère. S'exclament-ils tous quand j'remue les enfers, couze. Tête brûlée jusqu'à j'd'être purée. Contamien devant l'épicerie, j'ai cramé tout ce qui était crânien. Tête brûlée jusqu'à j'd'être purée. Contamien devant l'épicerie, j'ai cramé tout ce qui était crânien. Il me parle, je suis à Abu Dhabi, j'ai le corps à Abu Dhabi. Café croissant pilon, issu d'en bas de là où j'habite. Nique voté, gaine de surfeur du hoot. J'ai un frère qui veut surfer du flouze, du coup moi je pense qu'il devrait faire du foot. Tati, j'y finis tôt, je 58 ITT, fais des 6, des 9, des bédos. Rien qu'avec mes 10 dédos. Marre de fumer trop de mon vautère, je veux un simple accord. Je suis perdu mais drôle, je mets sympa comme l'art du métro. Ton frigo est quasi carré mais pas carré. Y'a des dégâts qui arrivent, nique un des puits des PDG de Atari. Je me sens investi comme un taré. Je crois que je suis allergique au mental mais la rue c'est fière de mon taf. Toi-même tu sais que je fais R quand je suis mécontent de mon tarif. Au KIS n'a pas de muscles à vendre. Crois-moi là il sait pas mieux qu'avant. Zone a le temps qu'à faire. Qu'on pense le boss via un grand café. Connect Nico Dam ni Santa Fe. Je connais les termes et les lieux de la vente. Je ralasse le costa et Santa Fe. Sec mais je suis là, je constate. Cher fonce gars. Tête brûlée jusqu'à j'd'être purée. Contamien devant l'épicerie, j'ai cramé tout ce qui était crânien. Tête brûlée jusqu'à j'd'être purée.